toi le pouls et dis-moi si t'es encore vivant. Lève bien le pouce car t'es encore vivant. Es-tu conscient de la chance que t'as? D'autres l'ont pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, on peut réécrire son histoire. On peut enrichir sa mémoire de souvenirs impérissables. Dans la vie, perdre n'est pas une maladie incurable. Bien sûr qu'on mérite le meilleur. Combien ont déjà surmonté leurs douleurs, leurs frayeurs, leurs erreurs, leurs rancœurs ou leurs grosses défaites? Combien de rêves inanimés ont réussi à se faire greffer un cœur? Des fleurs fanes. Mais d'autres poussent, même après les flammes, des forêts repoussent. Aucune limite n'est infranchissable. Les vrais super-héros n'ont pas tous une cape. Souffrir, je sais ce que c'est. Je vis avec des fantômes qui m'ont amputé les bras de Morphée. Un passé que le temps ne soignera jamais. Un passé que le temps me remboursera jamais. J'avais mal à la vie, à la muerte cette soirée. Où les veines j'ai voulu me couper. Mais heureusement que je n'ai rien fait. Car je n'aurais jamais vécu tous ces rêves éveillés. Non, je n'aurais jamais rencontré Alexia. Donc je n'aurais jamais eu mes enfants Inaya, Leni et Luna. Non, je n'aurais jamais vu la fierté dans les yeux de papa. Je n'aurais jamais vu le vrai sourire de maman. Non, je n'aurais jamais eu cet tas de fou rire avec mes frères Zach, Diego, Saki et Naïma. Non, même si Sia me manque, je n'aurais jamais vu la réussite de chaque membre de la psychiatra. Non, je n'aurais jamais vu mon rêve exaucé. Jamais vu ces millions de personnes chanter mes couplets. Non, je n'aurais jamais eu les meilleurs amis du monde. On n'aurait jamais vécu ce concert au stade Vélodrome. Voilà pourquoi cet album, pour crier que l'avenir ne promet pas la souffrance éternelle. Crie-le à tout le monde, tout est possible tant que la mort ne t'a pas pris dans ses ailes. Prends ce disque comme un ami, avec lui danse, chante, pleure, rit, vit. En famille, en solo, entre amis, mais vis, vite, l'instant présent avant que tout s'enfuit. Le climat du monde n'est pas ensoleillé, donc c'est à nous de briller, yeah. Arrose ta chance et vis, car nous sommes tous des phénix.